Chapitre 5. Il fallait cependant les faire sortir de la maison. Le danger de l'avoir miné par les eaux augmentait à chaque minute. Il paraissait clair que, livrés à eux-mêmes, les deux crétins resteraient là, quitte à périr. Anzoli, comme on l'appelait, fut assez docile et se laissa emmener sans résistance. Mais la fille refusa d'abord de bouger. Ce fut seulement quand Loïs avisa de lui dire que sa mère l'appelait et se fâcherait qu'elle obéit. Anzoli ne fut pas plus tôt dans la cour qu'il courut de son pas incertain vers la porte d'une étable. « Ces êtres-là ont plus d'intelligence que nous ne le croyons, » fit observer Lorenz. « Sans doute il y a là des animaux et il veut les sauver. » Tel n'était pas cependant le but du pauvre garçon. Il ne s'occupa nullement d'une coupe de chèvre qui se trouvait dans l'étable, mais alla droit à un tas de paille placé dans le coin le plus retiré. Sur cette paille, nous aperçûmes le fils aîné, Rodolphe, profondément endormi. Ses traits hâves et ses formes amaigries ressortaient misérablement dans la pose abandonnée que lui avait fait prendre le sommeil et la fatigue. Les hommes le secouèrent par l'épaule. Il ouvrit des yeux égarés qu'il roula de l'un à l'autre, sans reconnaître personne évidemment, jusqu'à ce qu'il eût aperçu l'idiot. Alors il se dressa brusquement sur ses pieds et nous observa d'un air farouche. Le forgeron lui avait adressé la parole d'un ton de commandement tranquille. « Viens, Rodolphe, le Schwarzbach grossit. Nous craignons que la maison ne s'écroule. On garnit de troncs d'arbres à la verge du ruisseau, et il faut nous aider. » Le jeune homme regarda très attentivement son interlocuteur pendant une minute, puis de la voix la plus creuse, la plus étrange qui ait jamais appartenu à une créature humaine, d'une voix qui eût fait croire que l'acte de la parole lui était si peu familier qu'il était devenu douloureux. « Le diable est-il noyé ? » demanda-t-il. « Jésus-Marie ! » s'écria Loïs, se signant rapidement à plusieurs reprises. « Viens, et nous verrons, » répondit Lorenz avec beaucoup de sang-froid. « Tu as les bras solides, mon garçon, viens nous aider. » « Ne peut-il nous indiquer où est sa mère ? » dis-je, arrêtant Lorenz, comme il allait quitter la cour. « À quoi bon ?» le lui demander. « Vous voyez bien que la vieille ne peut avoir été assassinée. Il n'y avait personne pour la tuer. Aucune créature n'habite le corbeau depuis des années, hormis la Dietrich et ses enfants. Eh bien, tous les trois ont passé la nuit en bas, dans le réduit, où ils ont continué de dormir. » Quand je renouvelai mon récit de la lutte que j'avais entendue, « Venez maintenant rejoindre les autres avec moi, » souffla Lorenz à mon oreille. « Nous rentrerons après dans la maison pour chercher la vieille femme. » Il y avait beaucoup de mouvements et de confusion au bord du ruisseau. Le nombre des travailleurs s'était considérablement augmenté par suite de l'arrivée d'une foule de villageois. Des lanternes brillaient de ci de là, et la pure lumière de la pleine lune éclairait toute la scène comme pour mieux faire apercevoir le péril et la dévastation. Le Schwarzbach était terrible. Il descendait écumeux, bondissait, entraînait dans sa course rapide, avec d'innombrables épaves provenant des habitations de la montagne, les cadavres d'animaux ravis au pâturage supérieur. La palissade de bois qui avait entouré le jardin de l'auberge du Corbeau n'existait plus. Les hangars et les écuries de derrière chancelaient et craquaient à chaque effort des eaux qui maintenant battaient leurs murailles. La vieille maison tenait encore ferme, car dans cette direction, le cours du Schwarzbach avait été détourné quelque peu par des pilotis établis sur sa rive au moyen de pièces de bois assemblées. Parmi les travailleurs, le fou Rodolphe déployait une activité prodigieuse. Sa force était surprenante. Il traînait au bord de l'eau avec entrain de grandes billes de bois et des troncs d'arbres. Le crétin se tenait à ses côtés, souriant, battant des mains et chantant sur les ruines. « Je voulais me débarrasser de ceux-là, » dit le forgeron. « Maintenant, il faut nous remettre à la recherche de la mère sans perdre de temps. Si elle est vivante, chaque minute a du prix. » Il appela deux jeunes gens pour nous accompagner. C'étaient des ouvriers de la forge, de vigoureux compagnons. Chacun d'eux portait une hache et des cordes. Ils avaient aidé à construire le barrage. « Nous n'avons que faire de ces hommes, dis-je. Ils seront plus utiles ici. » Mais Lorenz secoua la tête. « Nous ne savons pas ce que nous pouvons trouver, » répondit-il. Nous entrâmes dans la maison par la porte trompue et traversâmes rapidement le couloir du rez-de-chaussée. Un des hommes qui tenait la lanterne montra d'un geste significatif une nappe d'eau boueuse qui, venant de la cour, coulait à travers le passage d'allée. Elle n'avait pas un pouce de profondeur, mais un mouvement presque insensible faisait présager quelque chose de plus grave. « Dépêchons-nous !» cria le forgeron. Et nous nous élançâmes sur l'escalier. J'ouvris les unes après les autres les portes des chambres qui bordaient le corridor. Celles-ci étaient désertes pour la plupart et non meublées. La porte de la chambre où j'avais dormi était encore fermée, la clé en dehors. Nous la visitâmes. Elle était telle que je l'avais laissée. « Il n'y a pas d'étage au-dessus de celui-ci, » dit le jeune homme qui portait la lanterne. « La vieille sorcière a dû partir à cheval sur un manche à balai. » Mais il y avait des chambres au-dessus, je le savais bien. Après quelques recherches, nous trouvâmes une porte basse placée dans un angle à l'extrémité la plus sombre du corridor. Cette porte donnait accès à des marches rapides conduisant à quelques galetas sous le toit. J'avais à peine mis le pied sur la première marche qu'une porte s'ouvrit violemment et que de l'obscurité émergea, à la lumière de notre lanterne, l'hôtesse du corbeau. Tous nous nous arrêtâmes, les yeux levés vers elle, tandis qu'elle se tenait au sommet de l'échelle, frémissante de fureur et d'angoisse. Les mèches éparses de ses cheveux gris s'enroulaient dans un désordre sauvage autour de sa tête. La casaque qu'elle portait était déchirée et laissait apercevoir la peau jaunâtre de sa gorge. Ses mains nerveuses étaient couvertes de récentes égratignures. « Que faites-vous ici ? » cria-t-elle. « Savez-vous que vous êtes dans ma maison ? Et vous en avez forcé l'entrée, malheureux, comme des voleurs. »« Mère Dietrich, » dit le forgeron, « nous n'avons pas le temps de discuter. Si nous avons forcé l'entrée de votre maison, vous devez deviner pourquoi nous l'avons fait. » Elle s'empara d'un bâton noueux accroché au mur et le brandit. « Arrière ! » hurla-t-elle. « Arrière ou malheur à vous ? » ?»« Femme, » m'écriai-je, « n'avez-vous pas entendu le corps ? N'avez-vous pas senti le fun ? Le Schwarzbach a débordé. Nous sommes ici pour vous sauver. Vos enfants sont en sûreté. Venez avec nous. » Elle parut hésiter l'espace d'une seconde. Lorenz, profitant de son indécision, l'entraîna. « Venez, il n'y a pas de temps à perdre. D'une minute à l'autre, la maison peut nous ensevelir sous ses ruines. » Laissez disparaître la vieille maison et tout ce qu'elle renferme, murmura-t-elle en secouant d'un air sombre sa tête échevelée. Cependant, elle paraissait disposée à suivre Lorenz. Elle avait même descendu deux marches, quand le forgeron enjoignit à ses deux apprentis de la conduire en sûreté et me dit tout bas de rester avec lui pour une perquisition qu'il avait à faire. La fine oreille de la femme surprit ce chuchotement. D'un saut, elle se trouva au sommet de l'échelle, d'où elle jeta sur nous un regard féroce. « Chien que vous êtes ! Chien maudit, vous cherchez à me tromper ! Quittez ma maison sur le champ ! Qu'elle reste debout, qu'elle s'écroule, elle ne recevra pas d'espions. S'il y a des lois dans le canton, vous vous repentirez. » « Vous ferez mieux de ne pas parler des lois, mère Dietrich, » riposta le forgeron d'un ton résolu. « Je vous dis que j'ai mes raisons pour visiter ce galta et que je ne quitterai pas la maison auparavant. Laissez-moi passer. » Elle lui lança un coup de bâton. Il avait prévu cette attaque et l'évita en se jetant de côté. Puis il contint les efforts impuissants de sa rage en lui collant les bras au corps. Tout robuste qu'il fût, il n'aurait pu la maîtriser longtemps à lui seul. Mais les deux apprentis vinrent au secours de leur patron et réussirent à lier cette furie avec les cordes qu'ils avaient apportées. « Surveillez-la un moment, » dit Lorenz à ses hommes, « et vous, monsieur, venez avec moi. » Je le suivis jusque dans une mansarde basse dont la porte était ouverte. Il leva la lanterne et regarda tout autour de lui. « Mon Dieu ! » s'écria-t-il, « c'est pire encore que je ne croyais. »